Les autorités militaires sud-coréennes ont organisé un meeting de confrontation contre la Corée socialiste à l'occasion du jour de l'incident de l'explosion d'une mine dans la première ligne de front pour dénaturer la signification de cet incident d'août de l'année dernière, fini par la grande victoire du Nord, sans aucun combat et sans effusion de sang. Il s'agit d'un incident auquel une patrouille sud-coréenne à la première ligne de front a subi un dommage par l'explosion d'une mine non identifiée au cours de la patrouille. À l'époque, les autorités sud-coréennes ont rejeté irraisonnablement la responsabilité de cet incident sur le Nord et entraîné la situation au seuil de guerre. Lors du meeting réunissant les patrouilleurs qui ont été sur place et certains conservateurs, sous les auspices du commandant en chef des forces terrestres sud-coréennes, les bellicistes ont prétendu la soi-disant riposte tout en parlant de la provocation du Nord.